comprends pas. Moi, je n'y comprends rien du tout. Mais ça n'a pas plus de sens pour moi qu'un casse-tête chinois. Que peut penser la philosophie ? Y a-t-il des objets plus respectables que d'autres ? Parce qu'il n'y a pas que le temps, le bonheur ou la justice, tous les vendredis nous donnerons la place à ce qui semble ne pas en mériter, à des objets inattendus, du poil au point-virgule. Et aujourd'hui, on commence avec les licornes. Elles sont partout, sur des t-shirts, dans des jeux vidéo ou des chansons. Colorées, pailletées, mignonnes, elles ont envahi un imaginaire pop et parfois, il faut dire, un peu moche. Naïves, indignes a priori pour la philosophie, elles posent pourtant des récits de voyageurs aux sublimes tentures du Moyen-Âge jusqu'à nos dessins animés, une question essentielle, c'est le cas de le dire, celle de l'existence. Qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas ? Qui l'eût cru ? La réponse nous vient des licornes. On peut rentrer maintenant. Déjà ? Il nous reste encore quelques heures. Pendant toute ma vie, j'ai attendu ce moment. C'est une... licorne ! J'arrive pas à le croire ! Je vais t'appeler Lucky ! Je vais laisser quelqu'un d'autre détruire ses illusions. Gros, j'ai trouvé une licorne ! La la la ta ta ta ! Ma vie est parfaite ! Chérie, ce n'est pas vraiment une licorne. Hein ? Mais elle a une seule corne. Je suis désolé, mon cœur, mais ce n'est qu'une chèvre. La vie est comme ça, des fois. On rêve d'une licorne, mais on n'a qu'une chèvre. Tu sais quoi ? Lucky est la chèvre la plus géniale de tout le monde entier ! Regarde la tête qu'elle a, ça me donne juste envie de la serrer ! Bonjour Elisabeth Delahaye. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art, vous avez été directrice du musée de Cluny de 2005 à 2019. Vous êtes co-autrice avec Michel Pastoureau de l'ouvrage Les secrets de la licorne. Vous êtes aussi autrice de La Dame à la licorne. Tous ces ouvrages sont parus aux éditions Réunion des musées nationaux Grand Palais. Et bonjour à vous, Jocelyn Benoît. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez co-dirigé avec Véronique Dequet l'ouvrage Licorne, celle qui existe et celle qui n'existe pas. C'est aux éditions Vendémiaire et c'est paru cette année, juste avant l'été. Alors, on a entendu un extrait du dessin animé « Moi, moche et méchant » volume 3, numéro 3. Je crois qu'il y a un condensé des problématiques que soulève la licorne. Alors déjà, on a une ambiance qui est quand même assez puérile, enfantine, et on a l'impression que ça clignote, qu'il y a des paillettes, c'est une figure pop. Et puis, on a aussi comme cette question centrale qui est bah, la licorne, c'est toujours une illusion. Cette petite fille croit que c'est une licorne et finalement, c'est une chèvre. Est-ce qu'on est là au cœur des problématiques soulevées par la licorne ? Licorne, Jocelyn Benoît. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est souvent ainsi que la philosophie a pu aborder ce motif. Premier rapport de la philosophie à la licorne, c'est un rapport de bannissement, puisqu'on pense au fameux texte de Bertrand Russell, au début du XXe siècle, lorsque Russell nous dit il ne faut pas admettre les licornes, et comme il dit, alors lui, il s'intéresse à la logique primairement, il dit pas plus que la zoologie, la logique ne doit admettre de licornes. Et justement, il va nous expliquer, on pourrait être tenté de penser qu'il faut en admettre, puisque il y en a dans les contes, dans les livres d'histoire, et il nous dit, mais attention, ce qui existe dans ce cas, c'est pas la licorne, c'est ce qu'on en dit, ce qu'on en pense. Et donc, il y a cette démarche de rectification, comme on entendait dans l'extrait que vous venez de présenter. Donc, c'est un petit peu ça, sans doute, le rapport premier de la philosophie aux fictions en général, et particulièrement à ces fictions populaires qu'on a tendance à pas prendre beaucoup au sérieux. Et puis évidemment, comme toute posture philosophique, ça appelle la contradiction. On assiste, notamment récemment, dans les dernières années, à un mouvement de réhabilitation de ce genre de figure, et plus spécialement des licornes en philosophie. Le point de départ du travail qu'on avait pu réaliser, ma collègue Véronique Dequet et moi, c'était en fait une réaction au travail du philosophe allemand Marcus Gabriel, qui est quelqu'un qui est un grand défenseur des licornes. Donc il y a un philosophe contemporain qui est en Allemagne, défenseur du nouveau réalisme, et qui défend quoi alors à propos des licornes ? En fait, justement, vous parlez de nouveau réalisme, je pense que ce qu'il y a de nouveau dans le réalisme tel qu'il l'entend, c'est que existe pas seulement ce qu'on croirait être réel traditionnellement, mais aussi toutes sortes de choses qu'on aurait tendance spontanément à rejeter en dehors du réel. Alors, par exemple, les licornes, emblématiquement, pour lui, ça existe, ça a une consistance, et il faut faire droit à l'existence propre des licornes. Ça veut dire que le fait que ça n'existe pas en réalité n'enlève pas une forme d'existence aux licornes. Ou alors, est-ce que c'est une question plutôt qui concerne l'existence ou plutôt la réalité, en fait? Où est-ce qu'on peut poser le questionnement? Son concept fondamental, c'est le concept d'existence. Il a l'idée qu'effectivement, on a tendance, dans la philosophie traditionnelle, ce qu'il appelle métaphysique, à restreindre l'existence à la réalité, alors qu'en fait, la notion d'existence est une notion beaucoup plus vaste, et la notion d'existence est une notion qu'il faut relativiser, puisqu'il faut toujours entendre l'existence dans ce qu'il appelle un certain champ de sens. Pour faire simple, on pourrait dire que c'est une forme de contexte. Par exemple, typiquement, dans le dessin animé La Dernière Licorne, il y a des licornes, donc des licornes existent dans ce contexte-là. Alors ça, c'est exactement ce que le philosophe anglais Bertrand Russell, au début du XXe siècle, rejetait. Il nous disait, mais c'est pas sérieux d'appeler ça une existence. L'existence n'est pas une existence relative à. Alors que dans une démarche comme celle de Marcus Gabriel, l'existence est toujours contextuelle, toujours ancrée dans un certain environnement, un certain scénario. Il faut la resituer dans un certain horizon. Elisabeth Delahaye, c'est exactement le travail que vous avez fait dans vos ouvrages sur la licorne, à savoir attester finalement de l'existence de la licorne, mais sous forme iconographique, culturelle. Oui, alors je me souviens très bien d'échanges avec Michel Pastoureau, que vous citiez tout à l'heure, qui lui dit, alors je ne sais pas si c'est une expression que le philosophe accepterait, l'imaginaire fait partie du réel. Et pour lui, effectivement, qui a beaucoup travaillé sur l'animal, en intégrant, comme on le faisait au Moyen-Âge, parmi ces animaux, à la fois des animaux réels que nous pouvons voir, éventuellement toucher, et des animaux qui font partie de l'imaginaire des gens du Moyen-Âge. Oui, pour lui, cette distinction doit être, en effet, pour le moins relativisée. Et c'est vrai que la licorne existe dans les textes, depuis au moins le 5e siècle avant Jésus-Christ, et nous en avons des images. Et puis après tout, si on veut pousser le paradoxe un peu plus loin, sinon, si on estime que le narval, c'est la licorne des mers, un certain type de licorne existe. Alors, au moins si on en croit la zoologie. À quoi ça ressemble une licorne, justement? Je ne l'ai pas décrite jusque-là, et à quoi ça ressemble une licorne? Parce que la petite fille, dans le dessin animé, confond une chèvre et une licorne, mais il y a quand même cette idée de corne qu'on entend dans l'extrait. Alors, effectivement, si vous prenez, que ce soit d'ailleurs les textes ou les images, vous avez une très grande variété, une grande diversité, à la fois d'ailleurs dans la description et dans la dimension morale, pour prendre le terme dans sa signification telle qu'elle est répandue au Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous avez à la fois des belles licornes et des licornes laides, hein, en général on les dit... Volontairement laides. Ben, regardez la description de Marco Polo. On entendra le texte tout à l'heure. Donc elles peuvent être laides, elles peuvent être très belles, elles peuvent être, effectivement, comme elles sont dans l'imaginaire des enfants d'aujourd'hui, mignonnes, douces et... Voilà. Un petit peu agaçantes aussi, mais disons du côté gentil. Agaçante, non, parce que je ne crois pas que ce soit quelque chose qui fasse partie de la mentalité médiévale, mais en tout cas, elles peuvent être farouches et elles peuvent être violentes. Donc, et puis, l'interprétation chrétienne au Moyen-Âge en fera une image du Christ en plus. Donc, effectivement, toute une variété de significations qui s'intègre d'ailleurs très bien dans ce que nous savons de la pensée médiévale, où les explications, les sens peuvent, qui nous paraissent contradictoires, peuvent au contraire se compléter. Et pourquoi, je vous pose la question à tous les deux, au philosophe et à l'historienne de l'art, pourquoi la licorne? Pourquoi la licorne qui va cristalliser autant de représentations contradictoires et autant d'interprétations philosophiques contradictoires? Je sens Benoît. Oui, alors, il y a effectivement une énigme. D'abord, il y a l'énigme de l'universalité de ce motif, puisque dans la plupart des grandes civilisations, il y a ça sous une forme ou sous une autre. Alors, la question qui se pose, évidemment, c'est de savoir si c'est la même chose. C'est-à-dire que on peut être tenté d'interpréter, d'identifier comme licorne un animal qui joue un rôle très différent dans la mythologie ou la culture d'une autre civilisation. Mais enfin, il y a une certaine forme d'universalité. Et puis, il y a cette énigme d'une fascination, durable, avec un motif qui est toujours repris, réapproprié, dans lequel on projette toutes sortes de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si fascinant? Pourquoi cette combinaison-là est-elle si fascinante? Alors, c'est sûr que dans l'affaire joue un rôle central le caractère unicorne. Le caractère unicorne est vraiment une cristallisation fantasmatique importante. Et avec sans doute aussi une réflexion sur une certaine forme de rareté, puisque c'est vrai que finalement, lorsqu'il y a des cornes, souvent elles vont par deux. Donc le fait qu'il n'y en ait qu'une seule est un objet de fascination. Alors c'est très net, par exemple, dans l'histoire d'un animal dont l'histoire est très associée à celle du motif de la licorne, c'est l'histoire du rhinocéros. Le rhinocéros africain est bicorne, et il était bien connu hein, dès l'Antiquité. Le rhinocéros indien est unicorne, et aussi le rhinocéros de Java est unicorne. Et quand on le découvre, là, c'est un objet de perplexité intense et ça va être un des points de cristallisation, un des points de référence de l'introduction du mythe de la licorne, en tout cas pour les Grecs. Pour les Grecs, ça passe d'abord sans doute par, si ce n'est le contact, en tout cas la réception par ouï-dire hein, de l'existence de cet animal. Donc manifestement, le fait qu'il y en ait qu'une est un objet de perplexité et de fixation intense. Alors il y a probablement une part de symbolisme sexuel, il y a aussi l'idée finalement de l'unité qui est unicité, donc rareté, il y a quelque chose de précieux dans le fait qu'il y ait qu'une seule chose. Et puis après, ça va devenir un enjeu, bah, par exemple, dans la tradition chrétienne, il y a un enjeu théologique là-dessus, puisque là, il s'agit d'unité, de capacité à relier, à unifier. Donc, cette corne unique va être porteuse d'une charge symbolique, affective, extrêmement importante. Donc, tout est dans la corne. Et pour vous, Elisabeth Delahaye ? Alors, je rejoindrai tout à fait ce que vient de dire Jocelyn Benoît. La corne permet de reconnaître la licorne et le fait que cette corne unique. Et c'est un animal facilement reconnaissable. C'est une image identifiable entre toutes. Et donc ça c'est sûrement très important. Et en même temps c'est un animal très, ce que nous disions tout à l'heure, très polysémique. Elle, effectivement, dans les images pour les enfants aujourd'hui, elle est douce, gentille et tout ce qu'on veut, mais elle n'est pas que ça. Et c'est quelque chose qui est très fréquent au Moyen-Âge, qui l'est sans doute moins de nos jours et qui peut expliquer cette persistance au long des temps. Quant aux images, il faut reconnaître aussi que pendant longtemps, l'on a des images, j'allais dire, en deux dimensions. Et donc, il y a une certaine ambiguïté. Est-ce qu'il y a une corne ou est-ce qu'il y en a deux ? Puisque, effectivement. Et les licornes deviennent le plus souvent belles et encore plus reconnaissables à partir du XIIIe, surtout XIVe et XVe siècle. À ce moment-là, on a des images qui mettent les animaux, comme les autres figures, en espace, qui reproduisent le volume, le modelé. Et là, effectivement, on a des images qui sont très frappantes, qui sont très belles. Les habitants de Sumatra ont maints éléphants sauvages et assez de licornes, qui ne sont guère moins grosses qu'un éléphant. Elles ont le poil du buffle, le pied comme celui de l'éléphant, une corne au milieu du front, très grosse et noire. Et je vous dis que cette bête ne fait aucun mal aux hommes et aux bêtes avec sa corne, mais seulement avec la langue et les genoux, car sur sa langue, elle a des épines très longues et très acérées. Quand elle veut détruire un être, elle le piétine et l'écrase par terre avec les genoux, puis lui inflige les maux qu'elle fait avec sa langue. Elle a la tête comme un sanglier sauvage et la porte toujours inclinée vers la terre. Elle demeure volontiers dans la boue et la fange parmi les lacs et les forêts. C'est une très vilaine bête à voir et dégoûtante. Elle n'est point du tout comme nous d'ici disons et décrivons, quand nous prétendons qu'elle se laisse attraper par une pucelle. C'est tout le contraire de ce que nous croyons. Harry Potter, tu dois t'en aller. Mais qu'est-ce que c'était, cette chose dont vous m'avez sauvé ? Une créature monstrueuse. Tuer une licorne est un acte abominable. Boire du sang de licorne permet de survivre même si on est sur le point de mourir. Mais le prix à payer est terrible, car on a tué un être si pur qu'à l'instant même où le sang touche les lèvres, on n'a plus qu'une demi-vie, une vie maudite. Mais qui pourrait vouloir d'une telle vie ? Tu ne connais pas quelqu'un ? Vous voulez dire que cette créature qui a tué la licorne et qui buvait son sang, c'était Voldemort ? On est passé de 1298 à l'année 2001. Et oui, la licorne traverse les siècles. On est passé de Marco Polo, le livre des merveilles, un texte interprété par le comédien François Raison, à Harry Potter, à l'école des sorciers, le film réalisé par Chris Columbus. Et on a là vraiment le glissement historique de la licorne. D'un côté, un animal naturel que Marco Polo croit avoir vu, qui est dégoûtant. Alors ça, c'est vraiment une interprétation que j'avais jamais entendue de la licorne. Donc je cite, c'est une très vilaine bête à voir et dégoûtante, c'est tout le contraire de ce que nous croyons. Donc on retrouve déjà la question de la croyance. Et puis dans Harry Potter, là au contraire, vraiment, la licorne, c'est presque l'animal intouchable, c'est la pureté, c'est la majesté. Et on a donc ce glissement historique qui montre bien que l'existence de la licorne, si elle en a une, est effectivement une question plutôt d'interprétation et d'imagination. Elisabeth Delahaye ? Oui, c'est tout à fait ça, c'est ce que nous évoquions tout à l'heure. La licorne est farouche, à peu près la plupart des auteurs sont d'accord sur le sujet, donc elle est très difficile à voir et difficile plus encore à attraper. Et donc il y a cette légende qui s'est forgée au cours des siècles et qui est très très répandue, selon laquelle cette licorne pourchassée par les chasseurs ne peut être capturée que lorsqu'elle est attirée par une jeune fille vierge, attirée notamment par sa beauté et par son odeur, et à ce moment-là, elle se réfugie dans le sein de la jeune fille. Et à ce moment-là, les chasseurs peuvent la capturer. Et donc là, vous voyez déjà ces deux différentes. C'est-à-dire que dès le départ, il y a eu quand même une ambivalence sur la licorne, qui est soit un animal téméraire, agressif, soit Mais qui est les deux à la fois. Qui est les deux à la fois. Et cette légende de l'attirance et donc la capture par la jeune fille vierge explique en partie, en tout cas, toutes ces interprétations postérieures, qu'elles soient christiques ou de nos jours, tout au long du Moyen-Âge et jusqu'à nos jours, comme une créature douce, symbole de pureté, de virginité, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ce glissement-là d'interprétation ou de projection sur la licorne, on voit aussi la manière dont la licorne est un objet hybride. C'est-à-dire que c'est un objet, vraiment, c'est vraiment l'objet de l'indétermination. C'est d'ailleurs aussi ce qui se ressent actuellement avec la licorne, qui est quand même un emblème de fluidité, presque de fluidité du genre, un emblème LGBT, donc il y a vraiment au cœur de la licorne cette indétermination. Et c'est alors je laisserai Jocelyn Benoît expliquer comment, de son point de vue de philosophe, cela peut se comprendre. Je dirais que, en tout cas, il me semble que c'est l'une des clés de son succès. Jocelyn Benoît. Oui, tout à fait. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. D'abord, pour revenir sur le texte de Marco Polo, en fait, il y a de toute façon effectivement une grande ambiguïté de cette figure de la licorne, mais il y a aussi des traditions, et sans doute des traditions distinctes. Il y a tout de même toute une tradition pour laquelle, fondamentalement, c'est un monstre. Quand on va voir dans les textes antiques, quand on regarde le texte de Ctésias, donc du géographe grec qui introduit la référence au Monokéros, donc ce qu'on va traduire par licorne, ou même quand on regarde chez Pline, c'est tout de même pas très beau à voir. C'est tout de même d'abord un être très composite, assez formidable. Il y a aussi la tradition biblique qui va jouer un grand rôle pour le christianisme, qui est la tradition de l'Ancien Testament, la tradition de ce que l'Ancien Testament appelle le réhem. Alors le réhem, la Septante, donc les chrétiens ont traduit, ont fini par traduire, par adopter une traduction qui est une traduction par Monokéros, donc par la licorne. En fait, on ne sait pas bien si cette traduction est légitime. Le réhem, on a l'impression que c'est plutôt une espèce de super buffle. En tout cas, c'est un monstre, quoi. Or, rétrospectivement, comme ça va être traduit par la Septante, par Monokéros, les chrétiens après vont s'en emparer et dire, ben voilà, c'est une licorne, parce qu'ils fondamentalement ils pensent dans les termes des Grecs, et donc il va y avoir un mélange de deux choses. Mais au départ, c'est un être tout de même formidable, monstrueux, assez terrifiant. Et puis à côté de ça, il y a d'autres traditions. Et je pense que le christianisme, tout en gardant le côté altier, farouche de l'animal, a en même temps tendu vers l'idéalisation, a tendu à l'interpréter sur un mode beaucoup plus idéal, comme un être qui est quand même l'incarnation d'une pureté, d'une certaine forme de bonté, d'indomptabilité, mais au sens aussi positif du terme. Donc c'est vrai qu'il y a des traditions différentes. Alors le texte de Marco Polo, il est intéressant parce que d'abord c'est censé être un texte factuel, c'est-à-dire qu'il prétend qu'il a vu l'animal. Et donc c'est un récit de voyage. C'est un récit de voyage, et donc on sent une excitation par rapport à un animal auquel on croit globalement à cette époque-là, mais c'est l'ambiguïté de la croyance. Entre croire et en même temps être absolument sûr que ça existe, c'est un homme de questions différentes. Alors lui, il nous dit, ben voilà, je l'ai vu. ça existe. Mais attention, c'est pas du tout comme on croyait. C'est pas du tout comme on croyait. Qu'est-ce qu'on croyait? Ce qu'on croyait, c'est un imaginaire courtois qui est à l'arrière-plan. On s'imaginait un animal élégant, svelte, qui est lié à la pureté, qui est attiré évidemment que par, comme disent les textes, l'odeur des vierges. Et puis ben voilà, on voit une grosse bête dégoûtante et qui apprend un danger, puis un danger tout un peu bizarre, un peu inquiétant. Oui, mais qui tape quand même avec sa langue. Oui, c'est ça, comme avec sa langue. Qui vous tue à coups de langue, parce que sa langue, il y aurait des épines dessus, prétendument. Donc c'est intéressant, c'est un texte de rectification. Il dit voilà, j'ai vu réellement, et puis évidemment, c'est une construction. Hein. Alors on pense, il y a des raisons de penser que c'est le rhinocéros de Java, hein, bien que ça soit Sumatra qui prétend l'avoir vu, que ça serait le rhinocéros de Java. Mais enfin bon, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté rectificatif qui est, on va sortir de la légende. Là, moi, je vous parle de, moi, je suis allé voir et j'ai vu, et en fait, il y en a, mais elles sont pas comme vous croyez. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que lorsqu'il effectue ce geste-là, ce qu'il nous raconte vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bizarre, mais ça retombe tout naturellement sur la description des Grecs. C'est la description de Ctésias, enfin des Grecs ou bien des Latins. Donc de Ctésias, qui est un historien grec qui a fait une histoire de l'Inde, donc c'est 389 avant Jésus-Christ, donc c'est la première fois qu'on voit le terme de licorne apparaître. Et ça, ce qui est intéressant, effectivement, Jocelyn Benoît, c'est que effectivement la licorne, au départ, elle a une existence qui est, peut-être, qui provient peut-être des mythes, mais qui est réelle. C'est-à-dire, on croit dans le fait que c'est un animal naturel qu'on va pouvoir peut-être croiser au détour d'un voyage dans le monde. Oui, tout à fait. Enfin, la première introduction, effectivement, dans le monde grec, c'est Ctésias, dont on n'a que des traces. Hein, ça a été repris après par des érudits byzantins. On a des traces du texte grâce à ça. Alors, Ctésias, c'est un homme intéressant parce que c'est aussi déjà une démarche de rectification, au sens où Ctésias, c'est celui qui s'est retrouvé chez les Perses. Et comme il était chez les Perses, il allait visiter, y compris les confins, y compris la frontière avec l'Inde. Et il va expliquer aux Grecs, vous savez, tous ces pays-là, c'est pas du tout comme vous croyez. Et dans le descriptif, il y a notamment le descriptif d'animaux, qui sont des animaux, évidemment, qui paraissent très bizarres. Et il y a la description de ce qu'il appelle monokéros, donc littéralement en grec, ce qui n'a qu'une seule corne. Donc l'unicorne, ce qui va donner après la traduction, la licorne, ce qui va être interprété comme la licorne. Et en fait, la description qu'il en donne, il y a des raisons de penser que c'est probablement le rhinocéros d'Inde, mais en même temps, c'est super composite. C'est une fabrication à base de différents animaux. Il interprète ça avec ce qu'il a, donc avec les animaux qu'il connaît. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que lorsque Marco Polo nous dit « Vous savez, les licornes, elles sont pas du tout comme on croit d'habitude », mais finalement, ce qu'il décrit, ça retombe sur quelque chose, en fait, de tout aussi traditionnel. C'est pas du tout... De tout aussi composite, avec fait de projection, d'un mélange de croyances. En fait, on passe d'une tradition à une autre, parce que ce motif-là, il y a plein de traditions à l'arrière-plan, donc y compris qu'on va rectifier, ben en fait, ça va toujours passer par le fait d'aller rechercher quelque chose qui, en fait, était déjà là, qui était disponible comme moyen de décrire. Mais ce qui est intéressant avec la licorne, c'est que c'est vraiment l'incarnation, l'exemple par excellence d'un échec de la pensée à toucher, à attraper un objet réel. C'est-à-dire à chaque fois qu'on essaye de le saisir sur le mode de la définition univoque, de l'en-soi, on pourrait dire, à chaque fois la raison échoue et retombe en fait de tradition de croyance en tradition de croyance. Elisabeth, j'aurais tendance à dire que, à nouveau, c'est quand même assez typiquement médiéval que de s'appuyer sur les écrits des anciens pour justifier ce que l'on dit. Par ailleurs, effectivement, il y a plusieurs traditions tout de même qui se chevauchent. Celle des descriptions plutôt d'histoire naturelle, tout au long du Moyen-Âge, celle des descriptions des bestiaires, et puis celle des descriptions des voyageurs qui, là encore, tout au long de la période, ont vu des licornes et... avec des récits qui paraissent tout à fait dignes de confiance. Et puis, il faut quand même dire que c'est un peu complexifié par le fait qu'arrive en Occident, en France, en Allemagne, en Angleterre d'abord d'ailleurs, des cornes que l'on appellera rapidement unicornis ou unicorne, licorne, et donc qui sont ces fameux dents de narval. Qui sont en fait la licorne des mers, puisque c'est une corne aussi, cet animal a une corne aussi. Mais bon, pour le coup... C'est le seul animal que nous connaissons aujourd'hui, que nous décrivent les spécialistes de la zoologie, ayant, sauf erreur de ma part, une corne unique sur le front. Mm-hmm. Quand la licorne des mers est décrite ou représentée, elle ressemble pas du tout au narval. Donc le narval n'est pas connu en Occident à ce moment-là. Mais sa corne arrive. enfin sa dent, ou sa corne, comme vous voulez, arrive. Elle est un objet merveilleux, c'est ce qu'on appelle les mirabilia. On l'associe à cette autre légende que nous n'avons pas encore évoquée, qui est celle de la licorne qui, grâce à sa corne, guérit, est un contrepoison, donc un pouvoir merveilleux. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de constater qu'on commence à représenter la licorne avec sur le front une corne unique, de plus en plus longue, de plus en plus merveilleuse et torsadée, qui ressemble à la dent du narval. Et donc, ça se passe vers le 12e, début du 13e siècle. C'est le moment où les premières dents de narval arrivent dans les trésors d'église. Josin Benoît, sur cette question de l'échec de la raison, où finalement on va plutôt, ou en tout cas pas vraiment de la raison, mais du moins on va dire de la réalisation, de la réalité à trouver un objet et à toujours l'appréhender uniquement par croyance plus que par concept. Oui, ce qui est intéressant dans la licorne, c'est effectivement comme c'est un objet culturel qui a une très longue histoire et une très grande variété d'histoires, forcément il porte toutes sortes de déterminations contradictoires. Donc on a l'impression que effectivement on peut pas rendre ça cohérent, on peut pas rationaliser l'objet. Mais au fond la question, c'est celle de savoir au fond quelle est l'échelle à laquelle on le saisit. C'est-à-dire que si on veut traiter de façon univoque quelque chose qu'on appellerait licorne et qui traverserait toute l'histoire, si ce n'est de l'humanité, en tout cas par exemple l'histoire de la tradition occidentale venant des naturalistes et des penseurs grecs, on risque d'échouer forcément, parce que dans le filet on va faire venir toutes sortes de choses très hétéroclites. Donc faut toujours s'intéresser à quelle échelle d'histoire finalement on travaille. Mais c'est ça qui me gêne un petit peu dans le débat contemporain tel qu'il est reparti en philosophie. Et la licorne est un bon moyen d'appréhender ce débat-là. Sur l'existence des licornes, avec ce motif des licences des licornes, c'est que il y a quelque chose, si vous voulez, d'un peu naïf à opposer une position qui consisterait à dire les licornes et tous ces machins imaginaires, ça n'existe pas, on n'en veut pas. Et puis la contre, on va dire ce dont ils disent que ça n'existe pas, en fait, ça existe puisque ça a une existence. Par exemple, dans les histoires. Alors d'accord, mais j'irai dans quelles histoires, au sens où il est possible aussi que le motif soit tellement pluriel et renvoie à des strates tellement différentes de pensée qu'on puisse pas dire univoquement que c'est une seule et même chose qui existe aux différentes époques. Je pense que c'est pas pareil d'aborder cet objet d'un point de vue qui serait celui du naturalisme. Et quel naturalisme ? Le naturalisme des anciens, c'est pas la même chose que la question telle qu'elle va être posée par les sciences de la nature à partir du XVIIe siècle. Bon, l'exemple du narval, pour ça, est très intéressant, parce que c'est vrai que quand on a trouvé les défenses de narval au début, l'espèce de pointe que porte le narval, on a pensé que ça devait être des licornes. Et puis à la fin du 16e, on découvre le narval. Les navigateurs découvrent ce poisson et donc comprennent ce que c'est. Et alors à partir de ce moment-là, la question va se poser en des termes très différents. Parce que la grande question au 17e siècle et encore au 18e, on en voit des traces jusque chez Kant, c'est d'accord, il y a donc des licornes des mers, mais cette fois par licornes des mers, on n'entend plus du tout l'animal mythique, mais on entend le poisson en question, c'est devenu son nom. Ça. Mais est-ce qu'il y a des licornes de terre? Et c'est là-dessus qu'on se dispute, et on se dispute là-dessus avec les méthodes qui sont celles de la nouvelle science de la nature, avec la question notamment des traces, des fossiles. On trouve des traces de dents de narval dans des endroits qui sont terrestres maintenant. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un déluge ou des déluges qui l'ont recouvert? Enfin, il y a tout ce genre de questions, et ça devient une question qui est une question d'histoire naturelle au sens moderne du terme. Ça se posait pas dans ces termes-là, je pense, ni dans la période médiévale, en plus dans la richesse, la complexité, la variété de ce qu'on appelle période médiévale, ni exactement pour les anciens. Par exemple, quand on dit pour les anciens, c'est existé parce que c'est l'histoire naturelle, faut tout de même être prudent, parce que par exemple, Ctésias, donc les Grecs, et puis Pline, le Romain, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Par exemple, lorsque Ctésias raconte ça, chez Ctésias, il y a tout de même une tendance à construire un bestiaire en un sens qui d'ailleurs va avoir des conséquences après sur l'invention ou la construction des bestiaires telles qu'on la voit après aussi à l'ère chrétienne, au sens où, au fond, on met à plat des choses qu'on a vues, des choses qu'on n'a pas vues mais dont on a entendu parler, des choses qu'on pose esthétiquement comme faisant partie de notre environnement, notre monde immédiat, et puis des choses dont on n'est pas si sûr que ça, mais ça fait partie du catalogue. Voilà, c'est ça. Au fond, c'est un catalogue et c'est pas vraiment un outil qui permet de discriminer entre ce qui existe d'une certaine manière, alors ce qui existe, ce qui n'existe pas, et parmi ces deux modes d'existence ou de non-existence, comment ça n'existe pas, c'est-à-dire est-ce que ça n'existe pas sous forme de fiction? Voilà. Est-ce que ça existe sous forme de fiction? Est-ce que ça existe empiriquement? Est-ce que ça n'existe pas sous forme de croyance, de mythe? En fait, il faut distinguer, arrêter, dépasser, vous voulez dire, Jocelyn Benoît, cette alternative entre existence, non-existence et aller beaucoup plus loin dans ces catégories-là. Exactement. En fait, l'idée que j'aurais, c'est qu'il faut s'interroger sur ce qu'on veut dire exactement quand on demande d'une certaine chose particulière, si elle existe ou pas. Et je pense, par exemple, pour la licorne, la question n'a pas exactement la même signification, et suivant l'époque, et suivant le contexte, suivant le type d'arrière-plan, au fond, par rapport auquel se pose le problème. Donc, au fond, il y a deux stratégies. Une stratégie qui consiste à dire exister, pas exister, c'est un sens fixe, mais ce qui change, c'est les contextes. Et il y a une autre stratégie philosophique qui consiste à dire oui, mais attention, faut faire attention au format et à la signification de la question d'existence. Est-ce que elle est posée tout à fait dans le même terme? Et c'est indissociable de la question aussi de ce qu'on attend de cette existence. Quelle valeur a cette existence? Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça change à notre monde? Et quel rôle ça joue dans notre monde? Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des statuts d'existence qui sont pas tout à fait analogues suivant le champ de question dans lequel on pose cette question précise. Je vous propose d'écouter un extrait que vous nous avez conseillé, Jocelyn Benoît. C'est La Dernière Licorne. C'est un dessin animé. Et on va approfondir cette question de ces deux stratégies-là. Est-ce qu'il faut approfondir ce qu'est l'existence ou ce qu'on attend aussi de cette notion d'existence? Cela ne se peut pas. Pourquoi serais-je la dernière? Qu'en savent les hommes? S'ils n'ont pas vu de licorne depuis quelque temps, ça ne veut pas dire que nous ayons toutes disparu. Pourquoi disparu? Il n'y a jamais eu d'époque sans licorne. Nous vivrons éternellement. Nous sommes aussi anciennes que le ciel, que la lune. On peut nous chasser, nous prendre au piège. Nous pouvons même être tués si nous quittons nos forêts. Mais nous ne disparaissons pas. Bonjour, papillon, sois le bienvenu. As-tu fait un long chemin? La licorne, en vieux français, unicorne. En latin, unicornis. Au sens propre, qui a une corne? Unus une et cornu la corne. Animal mythologique semblable à un cheval avec une corne. N'est visible que pour ceux qui cherchent et qui est généralement prise pour une jument blanche, la licorne. Oh, tu sais donc qui je suis? Je t'en prie, tout ce que je veux savoir, c'est si tu as vu d'autres licornes semblables à moi dans le monde. Et si elles m'attendaient, moi? Si elles attendaient mon aide? Il y a bien longtemps qu'elles ont fui par les chemins, et le taureau de feu à leurs trousses a recouvert les traces de leurs pas. Les chemins de la philosophie. France Culture, Géraldine Mosna-Savoie. Alors on vient d'entendre effectivement La Dernière Licorne, j'ai dit dessin animé, pardon, on doit dire film d'animation réalisé par Jules Bass et Arthur Rankin Jr. Ça date de 1982, je n'ai jamais vu ce film d'animation, c'est une référence que vous nous avez donnée, Jocelyn Benoît. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est vraiment qu'on entend cette idée de disparition. La licorne a disparu, on parle de l'existence de la licorne depuis tout à l'heure, mais en fait, est-ce qu'il faut plutôt s'accorder sur le fait que elle n'existe pas, elle est peut-être paradigmatique d'ailleurs de ce qui n'existe pas, mais qui a quand même une forme de consistance. Alors l'exemple n'est pas de moi, hein, c'est l'exemple fétiche de Marcus Gabriel, il cite toujours ce film, il adore ce film. Vous l'avez vu? J'avoue que je ne l'ai même pas vu, vous voyez, donc c'est pas du tout mon champ de compétences, mais Marcus cite toujours ce film en exemple. Alors, ce qui lui plaît dans le film, manifestement, c'est qu'il n'y a pas une licorne, il y a des licornes. C'est-à-dire qu'au début, elle croit qu'elle est toute seule, et puis apparemment, à la fin, elle découvre qu'en fait, non, elles avaient disparu, mais elles étaient cachées quelque part. Donc, il adore ce film-là, il le cite tout le temps. Alors, en même temps, je pense que c'est intéressant que, en fait, ce scénario reprend, au fond, une composante aussi, hein, du mythe de la licorne. Le thème de la disparition, il est tout de même très important. Alors, il est très important, par exemple, dans la tradition biblique. Parce que dans la tradition biblique, si on identifie donc le Réhem dans l'Ancien Testament à la licorne, il y a cette tradition talmudique après qui nous explique pourquoi il n'y a plus de Réhem. Des Réhem, il n'y en a plus. Parce qu'en fait, quand les animaux sont montés dans l'arche, le Réhem, il était très embêté par sa grande corne. Il n'a pas pu passer la porte. Et donc, il est resté dehors. Donc, il s'est noyé. Parce que c'est un animal terrestre. Donc il y a déjà l'idée qu'au fond, elle a toujours déjà disparu. Et alors c'est un motif qui va avoir un impact sur à très long terme sur l'histoire de la licorne, puisque c'est même vrai dans les temps modernes, au moment où on essaie de rationaliser, où ça devient vraiment une recherche sur est-ce qu'il y a vraiment eu un animal comme ça, au sens de la zoologie moderne telle qu'elle se met en place, le motif du déluge aussi est très présent, parce qu'il y a cette question, effectivement, comment ça se fait qu'on n'en trouve plus sur la Terre? Alors peut-être qu'il y avait des endroits qui étaient la Terre avant, mais ils ont été recouverts à un certain moment. Donc c'est le thème de la disparition, de l'effacement, du recouvrement, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve régulièrement face à un animal qui est un animal rare, dont on croit qu'il existe souvent mais qu'on n'a jamais vu. Alors faut trouver une explication comment ça se fait qu'on n'en voit pas et aussi comment ça se fait qu'on n'en voit plus, parce qu'en même temps on croit en trouver des traces, des indices. Donc dans ce cas-là, il y a bien eu quelque chose. Mais alors pourquoi c'est plus là? Du côté de l'histoire de l'art, Elisabeth Delahaye, il y a aussi, on peut pas faire une émission sur la licorne sans parler quand même la tenture, la dame à la licorne qu'on trouve au musée de Cluny, qui est donc une tenture en 6 tableaux, qui est majestueuse. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, parce que elle va très bien dans ce sens de l'idée de disparition de la licorne, puisque la licorne apparaît à chaque tableau, et pourtant il y a une sorte de persistance du mystère, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'arrive pas à percer à travers cette tenture, notamment à travers le 6e tableau. Alors, effectivement, c'est une tenture qui comporte 6 tapisseries. Est-elle complète ou pas? C'est une des questions. Que l'on identifie depuis le début du 20e siècle, le plus souvent comme des allégories des 5 sens. Mais il y a 6 tapisseries. Et donc, sur chacune, une dame, soit seule, soit accompagnée d'un autre personnage féminin, qu'on appellerait une demoiselle, c'est pas une servante. C'est une autre figure féminine, toute un peu moins élégante, mais tout aussi attachante, et qui est toujours accompagnée d'une licorne. Elle est aussi accompagnée d'un lion, mais le lion et la licorne n'ont pas exactement le même statut. Ce sont des animaux porteurs d'armoiries, une autre dimension de la licorne qui apparaît un peu plus tard au Moyen-Âge, enfin un peu plus tard que ce que nous avons évoqué jusque-là. Et la licorne, effectivement, au moins dans 2 des tapisseries, est non seulement porteuse d'armoiries, mais également actrice de l'allégorie. Dans la scène du toucher, la dame tient la corne de la licorne pour signifier le toucher. Dans la scène qui représente la vue, c'est la licorne qui se regarde dans le miroir que lui tient la dame qui illustre ce sens de la vue. Et donc il y a notamment dans cette dernière scène, évidemment, la reprise, le souvenir illustré de toute cette tradition, de la façon dont on capture la licorne, mais aussi de toute cette tradition qui a été reprise, par la dimension courtoise et par les poètes, hein, ainsi comme une licorne suit qui veut s'ébahir en se mirant, etc. Et donc des fonds rouges, semés de mille fleurs. C'est toujours très très complexe et c'est une part du mystère, hein, d'expliquer pourquoi ou de comprendre pourquoi telle ou telle œuvre d'art est devenue un chef-d'œuvre, a été élevée au rang de chef-d'œuvre. Il y a cette sixième tapisserie. À mon seul désir. Voilà, mon seul désir. Qui est quand même inscrit dans la absolument. Culture, alors. Qui vraiment jette le trou, parce que autant c'est très clair sur les 5 sens, mais alors à mon seul désir. Mais là aussi, c'est un sujet pour les philosophes, dont beaucoup se sont saisis. Avons-nous seulement 5 sens ou en avons-nous d'autres? Avons-nous des sens matériels et des sens spirituels? Et la question est abordée par les penseurs du Moyen-Âge, et notamment il y a un moraliste philosophe nommé Jean Gerson qui décrit un 6e sens, qui est le sens du cœur, alors là aussi avec une polysémie tout à fait passionnante, qui mène les autres, et qui serait donc une sorte de point culminant de cette description des 5 sens, parce qu'il y a aussi une hiérarchie des sens dans la pensée médiévale, du plus matériel au plus spirituel. Donc la vue, la disposition que nous avons choisie lorsque nous avons installé à nouveau les tapisseries dans le musée, après une phase de restauration et de nouvelle muséographie, pour cette salle-là. Le musée est actuellement fermé, donc on ne peut pas les voir en ce moment, on les pourra les voir probablement à Toulouse, puisque une exposition doit s'ouvrir, si mes informations sont bonnes, fin octobre, aux abattoirs, où justement la tenture sera mise en regard d'œuvres contemporaines. Ça, c'est très très intéressant. Et donc oui, effectivement, un ensemble de mystères autour de cette tenture qui, en dehors de ses qualités intrinsèques de beauté, de qualité de composition et d'exécution, sont des tapisseries, mais avec une qualité d'exécution tout à fait remarquable, participe à la séduction qu'exercent les tapisseries. J'en viens à me demander, à vous écouter tous les deux, si en fait la multiplicité d'interprétations de la licorne, hein, que ce soit du côté du champ de l'existence, du non-existant, du côté de qualité intrinsèque des œuvres, du côté des mythes, des croyances, viennent à la fois donner une consistance à la licorne, la fait exister justement, ou alors on vient aussi en faire à une figure indéterminée, mais presque en fait accessoire, c'est-à-dire c'est la licorne parce qu'il nous fallait un objet un petit peu à l'écart, sur lequel on puisse projeter tout un ensemble d'images. C'est fait de manière un petit peu arbitraire. Est-ce que vous pensez que c'est une interprétation qui est tenable de dire c'est la licorne, pourquoi pas, mais ça aurait pu être un autre objet, Jocelyn Benoît? Je pense qu'en tout cas, dans l'usage actuel, dans la pop culture, probablement, puisque ce qui semble privilégié, c'est la plasticité du symbole, le fait au fond de la licorne, fais ce que tu veux. Je pense que par exemple, dans la tradition médiévale, ce serait un peu plus compliqué de dire ça, parce que c'est un objet qui a une singularité très forte. Alors, qui est surchargé d'interprétations, mais toutes très fortes, c'est pas neutre. C'est pas, on va l'interpréter comme on veut. C'est tout de même lié à chaque fois à des investissements, qui sont des investissements très lourds. Par exemple, si on a une interprétation christique de la licorne, on plaisante pas avec ça. C'est-à-dire, c'est pas arbitraire. On n'écrit pas ce qu'on veut dessus. Il y a tout de même l'idée qu'il y a là quelque chose de rare, de précieux, et surtout d'absolument singulier. Alors évidemment, il y a des conflits d'interprétation sur cette singularité. C'est-à-dire que, bien sûr, exceptionnel jusqu'à quoi? Jusqu'où, en fait? C'est ça, l'idée. Et en même temps, au Moyen-Âge, il faut quand même la mettre dans le contexte de ce bestiaire qui associe des animaux réels, dont la dimension, les significations que nous donnons aux mots, et des animaux imaginaires au même niveau. Et effectivement, pour moi, c'est un petit peu une interrogation, parce que elle est représentée à côté de un lion, une girafe, comme un animal un peu extraordinaire, à côté de la sirène par exemple, qui est un autre animal qui était très présent dans le bestiaire médiéval et parmi les images du Moyen-Âge, et sans forcément qu'il y ait toujours un statut particulier en dehors, dans ce contexte-là. Et j'aurais tendance à penser qu'il y a des moments plus favorables. Et ces années 1500, qui sont l'époque du tissage de la tenture du musée de Cluny que vous évoquiez tout à l'heure, en est manifestement un. Ensuite, on a la période symboliste avec la grande composition de Gustave Moreau, mais aussi d'autres artistes. Ça se poursuit un peu au fil du XXe siècle. Et puis, il y a la période d'aujourd'hui. Alors, ça, je ne sais pas comment le philosophe où l'historien de la philosophie tracerait le lien entre ces moments licornes où effectivement là elle a un statut tout à fait particulier. Je sens Benoît. Je pense qu'il est très difficile d'envisager ça comme une continuité, hein, comme si c'était un seul et même motif. Je pense qu'il y a une pluralité de motifs. En même temps, ce qui est intéressant, c'est des récurrences. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de ce schéma, ce scénario de la disparition. C'est même pas un hasard que ça revienne régulièrement, à chaque fois avec sans doute une fonction différente, hein. Mais en même temps, il y a une récurrence, tout de même toujours des mêmes motifs. Ou bien sur le temps très long, on l'a vu tout à l'heure avec Marco Polo, il y a un descriptif antique, le descriptif médiéval est tout de même assez différent, et puis Marco Polo révise le descriptif médiéval, mais qu'est-ce qu'il fait? En réalité, c'est le descriptif antique qui revient. Donc ce qui est intéressant, c'est ces récurrences sur le temps très long. C'est pas des récurrences comme ça immédiates, c'est pas des effets de tradition, c'est pas ce que pensait la génération précédente. Non, il y a quelque chose qui a parfois un millénaire d'existence, une sorte de réminiscence, et puis qui revient, et c'est tout de même très très caractéristique. Donc c'est à la fois un motif effectivement très ouvert, mais en même temps il y a tout de même toujours les mêmes choses qui reviennent, et ça c'est quand même très très frappant, cette espèce d'existence sur le temps très long, bon, qui est pas un cas unique, mais enfin c'est tout de même à ce degré là c'est quand même assez rare dans notre bestiaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres animaux aussi chargés sur le temps très long comme ça. Oui, je suis tout à fait de cet avis. Il y a une réflexion que j'aime beaucoup citer de Jean Paulhan dans son ouvrage, qui est une sorte de compilation de textes différents, sur la peinture cubiste. Où d'ailleurs, il explique que pour apprécier la peinture cubiste, ce ne sont pas forcément les mêmes... les mêmes éléments qu'il faut mettre en avant, qu'il y a, c'est d'abord une question de sensibilité et de sentiment. Et il se réfère à un écrivain du XVIe siècle qui, de façon un peu paradoxale, dit qu'on peut s'imaginer un rhinocéros pour peu qu'on ait vu des licornes. Et Jean Paulhan dit, c'est notre sort à tous. Lisez le texte, si vous voulez. Ah ben oui, lisez le texte, vous le direz beaucoup mieux que moi. Non, pas forcément alors. Donc il cite effectivement « L'explorateur Thévenet, dans ses relations de voyage, écrit de manière curieuse mais fort gravement. La pampa du Brésil abonde en rhinocéros, c'est un animal qu'il est aisé d'imaginer pour peu que l'on ait vu des licornes. » Fin des guillemets. Et je ne sais ce qu'il en est de Thévenet, mais je vois trop que tel est notre sort à tous. Il nous faut croire à quelques licornes pour voir un rhinocéros, au paradis, à l'Atlantide, à l'être et aux autres âges d'or pour accepter le monde qui nous entoure. Mais qui croira jamais s'il attend de les voir à l'être, au paradis, à la licorne? Il me semble que ça résume pas mal un petit peu les interrogations et les éléments de réponse que nous venons d'évoquer. C'est-à-dire, en effet, il me semble que c'est particulièrement prégnant de nos jours. Je ne voudrais pas faire des raccourcis trop faciles, mais où, en effet, que ce soit dans le monde des enfants ou dans celui des adultes, on a besoin de merveilleux, on a besoin de croire qu'il y a des remèdes miracles. Et si les adultes offrent des licornes en peluche à leurs enfants, c'est peut-être justement parce qu'eux aussi, ils ont besoin de croire à cela. Vous avez vu une licorne au milieu de votre bureau? C'est exact. Et qu'avez-vous fait? J'ai demandé à mes collègues s'ils la voyaient aussi. Et? Personne d'autre ne la voyait. Donc c'était une hallucination? Je n'ai pas dit ça. Mais vous voyez une chose que personne ne voyait. Ou plutôt que personne ne pouvait voir. Vous avez de grandes responsabilités. Votre travail est stressant, n'est-ce pas, Monsieur Maxwell? Oui. Il demande beaucoup de concentration, j'imagine. C'est vrai. Ce doit être perturbant de voir une licorne galoper. Je n'ai commis aucune maladresse après l'avoir vue, Maître Nixon, et je n'interpréterai jamais sa présence comme un signe prémonitoire. Le marché boursier change d'un instant à l'autre. Que se passerait-il si le jeu s'écroulait au moment où vous caressez votre licorne? Vous mettez en doute mon intelligence, vous m'insultez. Ça n'a rien à voir avec votre intelligence. Je mets en doute votre équilibre mental. Vous voyez des licornes, Monsieur Maxwell? Oui, c'est uniquement pour ça qu'ils me mettent à la porte. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais de ce que j'ai vu. Il est normal de croire qu'une personne qui a ce genre de vision puisse commettre de graves erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Avez-vous souffert de dépression, Monsieur Maxwell? Oui, dans le passé. Mais vous êtes encore suivi par un médecin, c'est exact, Monsieur Maxwell? Oui, plus ou moins. Est-il au courant que vous avez vu une licorne? Oui, il le sait. Il a dit que j'avais de la chance. Je tenais à finir cette émission avec cet extrait de la série Ally McBeal, qui a été créée par David Edward Kelley. C'était saison 2, épisode 10, La Licorne, avec cette personne licenciée parce qu'il est accusé d'avoir, enfin pas parce qu'elle est accusée, parce qu'il a vu une licorne, il le revendique. Et je trouve que ça va totalement dans le sens de la phrase de Jean Paulhan et Elisabeth Delay, à savoir, en fait, il a eu de la chance de voir cette licorne, il a cru en quelque chose. La licorne, en fait, permet de rendre le monde habitable. Et puis, d'un autre côté, ça va aussi avec cette question en fait qu'on se pose depuis le début sur l'existence des licornes. Est-ce qu'on peut aussi être sûr, ne pas douter en fait, qu'on a vu un objet qui n'existe pas en fait? Est-ce qu'on peut être certain de ça, Jocelyn Benoît? Ben, l'extrait est très frappant parce que ça évidemment mobilise la problématique de l'hallucination qui est chère aux philosophes. Et la question au fond est celle de la réalité des hallucinations, qui est que si j'ai vu ça, de toute façon, qu'y faire? Le problème, c'est savoir quoi en penser. Mais il est indubitable, l'expérience hallucinatoire a une trempe de réalité. Elle s'impose à nous, on peut pas en faire ce qu'on veut. Alors évidemment, en même temps, elle suscite toujours le doute des autres. Les autres auront tendance à penser que non, il a pas vu, il fabule, ou bien il interprète de façon incorrecte ce qu'il a vu. Mais il est là campé sur... l'évidence de sa vision, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre si ce n'est qu'il a vu ça? Donc c'est... Et que finalement, il a une certaine chance de l'avoir vu. Est-ce que, juste pour revenir sur l'existence et la non-existence, en fait, finalement, on peut peut-être s'en tenir au fait que la licorne est inexistante, mais que c'est ça qui la rend aussi fabuleuse, littéralement et de manière métaphorique. Oui, ben, ce qui était très beau dans l'extrait de Jean Paulhan, donc, vous avez indiqué Elisabeth Delahaye, c'est cette idée que l'imaginaire peut permettre et un moyen, au fond, d'explorer le réel et d'être sensible, de voir des choses qu'on n'aurait pas vues autrement. Par exemple, le rhinocéros. Sans l'irréel, on peut pas bien voir le réel. Oui, parce que le rhinocéros, par exemple, à certaines époques, on le connaissait pas. Ben, pour découvrir ça, il fallait avoir en tête certains mythes, certaines attentes. Donc, peut-être que la licorne permet de voir le rhinocéros, paradoxalement. En tout cas, elle l'a permis à un certain moment, effectivement. Elisabeth Delahaye, sur cet extrait aussi et sur cette idée de, comme vous l'avez dit, de réenchanter le monde, et c'est une chance de voir une licorne finalement. Oui, c'est peut-être pour ça que tant de voyageurs nous la décrivent. C'est que, en effet, pour eux, la question ne se posait pas. Ils le décrivent comme une sorte de surgissement merveilleux. Alors, là aussi, il y a une très grande pluralité. Marco Polo voyage, il voit toutes sortes d'animaux que nous considérons comme réels ou que nous considérons comme imaginaires. La licorne fait partie d'entre eux. Pour d'autres de ces voyageurs, effectivement, la licorne a un statut très très particulier à cause de tout le contexte et toute la tradition qui lui est attachée. Et effectivement, c'est une chance de l'avoir vue. Et vous avez employé le terme de merveille, de merveilleux. En quoi la licorne n'était pas forcément représentative du merveilleux en tant que tel dans l'iconographie ou dans les images, mais va incarner une part importante, va prendre en charge en fait cette part de merveilleux. Alors effectivement, les mirabilia, les objets merveilleux sont une part importante de la réalité et de la pensée médiévale. Et la licorne appartient à la fois au monde des moralia, des interprétations morales, voire christiques, comme on l'évoquait, et de ces objets merveilleux. Alors, elle en fait partie. Elle n'est pas le seul, mais là encore, comme on l'a dit à plusieurs reprises, elle concentre tellement de dimensions diverses dans ce monde merveilleux qu'elle a quand même une certaine dimension exceptionnelle. Et ben on va finir avec ces mots et avec le poème de Rilke. Je vous propose de l'écouter. Oh, c'est là l'animal qui n'a pas d'existence. Ils n'en savaient, eux, rien. Et l'avaient, en tout cas, son allure, son cou, la façon de son pas, aimé, jusqu'au regard, calme et plein de brillance. Certes, il n'était pas. Pourtant, comme on l'aimait, il devint pure bête. Il avait de l'espace, et dans l'espace clair, pour lui garder, levait la tête avec aisance, en laissant peu de place au besoin d'exister. Nul grain pour l'animal continuellement nourri de la faculté d'être. Et elle lui donna une puissance telle qu'il lui crut une corne, unicorne, au frontal. S'approchant d'une vierge, il vint, tout blanc, paraître, et fut dans le miroir d'argent, et fut en elle. Me croirez-vous si je vous dis, je l'ai vu la licorne d'or. Elle était bien triste et transie devant une branche de bois mort. Elle m'a dit, vois l'hiver fait rage. Donne ton gilet, je t'indiquerai la forêt où les poètes ont le passage. Un grand merci à vous deux d'être venus parler de la licorne aujourd'hui, d'avoir tenté d'esquisser une philosophie de la licorne. Merci beaucoup Elisabeth Delahaye. Je rappelle que de vous, on peut lire Les secrets de la licorne. C'est aux éditions Réunion des musées nationaux Grand Palais que vous avez coécrit avec Michel Pastoureau, mais aussi La Dame à la licorne, aux mêmes éditions Réunion des musées nationaux Grand Palais. Et sous votre direction, Jocelyn Benoît, merci aussi à vous et celle de Véronique Dequet, parue tout récemment. On peut lire Licorne, celle qui existe et celle qui n'existe pas. C'est aux éditions Vendémiaire et c'est paru donc juste avant l'été. Merci beaucoup. Merci. Merci. Épaisse larme ou bien rosée, les fleurs se mirent à pousser. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment.